Divers pays ont rapporté du 21 au 24 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse TASS de Russie, l'agence de presse Gyodo du Japon, le journal de Liaoning, le journal Takongbao et la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, l'agence de presse laotienne, l'agence de presse d'Internet NK News et le homepage d'Internet Reddit des États-Unis, les homepages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kimsonisme Kim Jong-ilisme et du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique, et le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Les Nouvelles des Inspections ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a visité la filature Kim Jong-suk de Pyongyang. Le homepage d'Internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée a ajouté son inspection de l'usine de transformation des céréales de Pyongyang réaménagée à merveille.